Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Henri Janik lit « L'île au trésor » de Robert Louis Stevenson. À l'acheteur hésitant, si les histoires de mer sur le mode marin, tempête et aventure, et chaleur et froidure, si goélette, île et abandon, et boucanier, et l'or enfoui, et tout le vieux roman raconté exactement à la manière ancienne, plaît, comme jadis il me plut à la jeunesse plus sage d'aujourd'hui, ainsi soit, et n'hésitez pas. Sinon, si la studieuse jeunesse n'a plus souci, ses anciens désirs oubliés, de Kingston ou de Ballantyne le brave, ou de Cooper, des forêts et des vagues, ainsi soit-il encore. Et puissé-je, avec tous mes pirates, partager la tombe où gisent ces auteurs et leurs créations. Henri Janik, vous avez choisi de lire L'île au trésor. C'est un livre qu'on vous avait offert ? C'est un livre que j'avais eu en fin d'année au moment de la distribution des prix. Voilà, alors j'en étais très fier parce que j'ai été premier en calcul à l'époque. On appelait ça le calcul. Vous voyez, et c'est comme ça que j'ai eu L'île au trésor. Quand vous étiez petit garçon, vous lisiez beaucoup ? Non, des livres de classe surtout, parce que, étant d'une origine étrangère, mes parents étant immigrés, ils n'avaient pas d'argent. Et c'était hors de question qu'on me paye des livres, puisqu'on avait déjà du mal à me payer à manger. Ce qui fait que je lisais ce que je pouvais lire à l'école, ce que je pouvais trouver à droite, à gauche. Et L'île au trésor a été le premier livre que j'ai eu à moi et que j'ai lu 20 fois. En plus, ça me faisait rêver, alors il est bien évident que je le lisais autant de fois que je le pouvais, chaque fois que j'avais envie de m'évader. C'est un livre qui vous a poursuivi dans votre vie ? Absolument. Absolument, parce que en 1952, il a été monté au théâtre de la Porte Saint-Martin, un île au trésor, qui était un spectacle pour les enfants. Et de voir les enfants au premier rang, au deuxième rang, les yeux grands, ouverts, admiratifs devant ce spectacle, ça me rappelait mon enfance. Alors ça faisait un peu double effet. Ça m'a toujours poursuivi, l'île au trésor. Et quel était le personnage que vous jouiez ? Ah, je jouais un personnage qui n'avait rien à voir avec l'île au trésor, parce que tout ce qui est raconté dans le livre était raconté par un chien avec un conteur que jouait Jacques Duby. Et moi, j'étais le chien à la guitare. C'est-à-dire que je jouais de la guitare et on racontait ce qui allait se passer. Dufilo jouait Ben Gunn. John Longsilver était joué par George Wilson à la veille d'entrée au TNP. Enfin, vous voyez, c'était un très, très beau spectacle. Et donc, moi, ça me rappelait toute mon enfance, ça me rappelait mon livre, c'était très très beau. C'est plus tard que vous avez doublé L'île au trésor ? L'île au trésor, je viens de le doubler il y a un mois. Un mois, parce qu'ils ont tourné une version avec Anthony Quinn, qui joue John Longsilver. Mais ça se passe... Excusez-moi, mais nous sommes dans un siècle où les choses vont très vite. Ça se passe dans l'espace. Alors, l'Hispaniola n'est plus une goélette, mais c'est un vaisseau spatial. Et tout se passe dans l'éther, voilà. Et quel est le personnage que vous doublez ? Anthony Quinn, c'est-à-dire Long John Silver. Et si on m'avait dit quand j'étais petit qu'un jour j'interpréterais John Long Silver, j'aurais été très étonné. De la pente de la colline qui était en cet endroit escarpée et rocheuse, une averse de pierres roula et tomba en ricochant à travers les arbres. Mes yeux se tournèrent d'instinct de ce côté et je vis une forme qui se dissimulait derrière le tronc d'un pin. Était-ce un ours, un singe ou un homme? Je n'aurais su le dire. Tout ce que je savais, c'est que c'était sombre et velu, mais cette apparition d'épouvante me cloua sur place. J'étais maintenant, semblait-il, coupé des deux côtés. Derrière moi, il y avait les assassins, et devant moi, il y avait ce monstre. Je n'hésitais pas à préférer les dangers connus aux inconnus. Silver lui-même semblait comparativement moins redoutable que cette créature des bois. Je fis donc volte-face, cherchant à me représenter de quel côté se trouvaient les canaux. Aussitôt, le monstre reparut, et faisant un vaste détour, entreprit de couper ma retraite. J'étais là, certes, mais eussé-je été aussi frais qu'à mon lever que je n'aurais pas été de taille à rivaliser à la course avec un tel adversaire. D'arbre en arbre, le mystérieux monstre filait comme un daim, courant sur deux jambes, tel un homme. Mais la façon qu'il avait de se courber en avant n'était pas celle d'un homme. Pourtant, je ne pouvais plus en douter. C'était un homme. Je me rappelais ce que j'avais entendu dire des cannibales et fus sur le point d'appeler au secours. Mais le simple fait que c'était un homme, aussi sauvage qu'il fût, m'avait quelque peu rassuré, et ma peur de Silver s'était ranimée en proportion. Je restais donc immobile, cherchant un moyen de fuir. C'est alors que je pensai soudain à mon pistolet. Je n'étais pas sans défense et le courage me revint aussitôt. Je fis face résolument à cet homme et marchai droit à son avance. Cependant, il s'était embusqué derrière un autre arbre et devait surveiller mes mouvements car dès que je marchais dans sa direction, il réapparut et s'avança à ma rencontre. Puis il hésita, recula de quelques pas, s'avança de rechef et finalement, à mon étonnement et à ma confusion, se jeta à genoux et joignit les mains en signe de supplication. Vos parents ne pouvaient pas vous acheter de livres, mais ils vous racontaient peut-être des histoires. Oui, mais des histoires de mon pays. Je suis d'origine arménienne, et ils me racontaient des histoires arméniennes qui sont très imagées. Mais moi, j'allais à l'école, donc en France, j'avais des petits camarades français, et je ne connais pas l'Arménie. Je veux dire, je suis arrivé ici, j'avais 3 mois. Et j'aurais été plus intéressé par des histoires françaises. C'est quand j'ai découvert l'île au trésor que ça m'a fait plaisir, quand j'ai découvert Pinocchio, puisque mon éducation finalement était française et pas du tout arménienne. Ça ne vous faisait pas rêver, les histoires qu'ils vous racontaient? Oui et non, parce que c'était surtout eux qui rêvaient quand ils me racontaient les histoires. Et par contre, ça m'a permis une chose que pour laquelle je les en remercie encore, c'est que je parle arménien couramment et que, eh bien, que je connais pas mal de choses sur l'histoire des Arméniens. Ça me faisait rêver dans ce sens-là, mais encore une fois, mon éducation est tellement française que, eh bien, que c'est la littérature française qui me plaisait le plus. Ça se passait comment quand vous lisiez? Où est-ce que c'était? Dans quel endroit? C'était à Paris? C'était dans une maison? C'était dans une chambre? Non, c'était dans des appartements. Je dis bien des appartements parce que, comme ils n'avaient pas beaucoup de moyens, dès qu'ils trouvaient un endroit où c'était un peu moins cher en location, on changeait. Alors j'ai dû lire L'île au trésor dans, je ne sais pas, 10 ou 12 locations différentes. Quelle place elle a eu la lecture que vous avez découverte donc à l'école et qui vous a un petit peu permis de vous intégrer dans un monde qui était étranger, pour vos parents en tout cas? Oui, en tout cas, ça m'a permis surtout de rêver. De rêver parce que, bon, je suis désolé, on va reparler de L'île au trésor, mais il était, Jim Hawkins était bien au chaud dans une auberge. Et l'Angleterre, en plus, il y a un côté tellement assis, tellement sérieux, tellement carré. Alors que nous, nos meubles, c'était des caisses à oranges. Et vraiment, de savoir qu'il y avait une cheminée, moi, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne le savais qu'au travers de ce que je pouvais lire. Alors, il y avait cette chaleur qu'il avait avec sa maman. Et puis il s'est retrouvé sur une île. Sur une île où il y avait probablement beaucoup de soleil, où il y avait des palmiers, où... Alors c'est formidable, la mer, et... Je vais vous faire un aveu. Le premier film que j'ai tourné, c'est en 1952. C'était le premier film avec Brigitte Bardot, qui s'appelait « Manina, fille sans voile ». J'ai pris le train de nuit pour aller dans le Midi, parce que ça s'est tourné dans le Midi de la France, et en Corse, et partout, Saint-Raphaël. Je n'étais jamais descendu en dessous de la Loire, jamais. Je ne savais pas ce que c'était. Et ça a été pour moi une autre découverte. C'était encore l'île au trésor, parce que il y avait la mer, parce que il y avait le soleil, parce que c'était beau, parce que bah, je tournais dans un film où il y avait des gens brillants. Ça me sortait complètement de mon enfance, complètement. Et j'avais déjà 24 ans. Je m'arrêtais de nouveau et lui demandais « Qui êtes-vous ?» Bengen, me répondit-il, et sa voix était rauque et étrange comme le grincement d'une serrure rouillée. « Je suis le pauvre Bengen, je suis Bengen. Je n'ai pas parlé à un chrétien depuis 3 ans. » Je pus voir alors que c'était comme moi un homme blanc, et que ses traits n'étaient pas désagréables. Sa peau était tannée, même ses lèvres étaient noires, et ses yeux bleus surprenaient dans une figure si sombre. De tous les mendiants que j'avais vus ou imaginés, c'était le maître en fait de haillons. Il était revêtu de lambeaux de vieille toile à voile et de vieux cirés, et son extraordinaire costume d'arlequin tenait par un système d'attaches aussi divers que bizarre. Boutons de cuivre, liens d'osier, nœuds de filin goudronné. Autour de la taille, il portait une vieille ceinture de cuir à boucles de cuivre qui était la seule partie solide de son accoutrement. « 3 ans ? » m'écriai-je. « Avez-vous fait naufrage ?»« Non, camarade, dit-il. Marronné !» J'avais entendu ce mot et je savais qu'il représentait un horrible châtiment assez commun parmi les flibustiers. Le condamné était abandonné sur le rivage de quelque île déserte et solitaire avec un peu de poudre et un fusil. « Marronné il y a 3 ans, continua-t-il. J'ai vécu de chèvres, de fruits, de coquillages... Un homme, où qu'il soit, peut vivre, à mon avis. Mais mon cœur a soif d'une nourriture de chrétien. N'auriez-vous pas un morceau de fromage par hasard? Non? Que de fois j'ai rêvé de fromage, presque toujours grillé. Et je m'éveillais ici. Si jamais je peux retourner à bord, lui dis-je, vous aurez du fromage en quantité. Cependant, il tâtait l'étoffe de ma vareuse, me caressait les mains, examinait mes chaussures, et entre ses paroles montrait un plaisir enfantin à se trouver en présence d'une créature humaine. Mes derniers mots éveillèrent en lui une feinte surprise. « Si jamais vous pouvez retourner à bord, dites-vous, » répéta-t-il, « et qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher ?»« Bah, pas vous, je le sais, » fut ma réponse. « C'est bien vrai, » s'écria-t-il. « Comment t'appelles-tu, camarade ?»« Jim, » répondis-je. « Jim ?» Jim, dit-il apparemment ravi. Eh bien, Jim, la vie que j'ai menée, tu ne pourrais y croire. Penserais-tu, par exemple, que j'ai eu une mère pieuse à me voir? Oh, ma foi, non, pas précisément. C'est pourtant vrai, dit-il, remarquablement pieuse, et j'ai été un jeune garçon très bien élevé et pieux. Je pouvais réciter mon catéchisme d'un bout à l'autre, et si vite qu'on n'aurait pas distingué un mot de l'autre. Et voilà où j'en suis. Ça a commencé en jouant à pile ou face sur les tombes d'un cimetière. Oui, c'est comme ça que ça a commencé, mais ça ne s'est pas arrêté là. Et ma mère a bien prévu ce qui m'arriverait, la sainte femme. C'est la Providence qui m'a conduit ici. J'ai bien réfléchi à tout dans mon île solitaire, et je suis revenu à la religion. Je ne boirai plus de rhum, sauf un dé à coudre, en réjouissance, naturellement, à la première occasion. Je prendrai le bon chemin et je veillerai à y rester. Et puis, Jim. Et regardant autour de lui, en baissant la voix, il ajouta dans un chuchotement, « Je suis riche !» J'avais maintenant la certitude que ce malheureux était fou. Et je dois avoir laissé transparaître ce sentiment, car il répéta avec chaleur, « Riche, riche !» Et je peux te le dire, Jim. Je ferai quelqu'un de toi, Jim. Ah, Jim, tu béniras ton étoile pour avoir été le premier à me rencontrer. » Puis brusquement, une ombre passa sur sa figure et il serra plus fort ma main, levant un index menaçant devant mes yeux. « Maintenant, Jim, dis-moi franchement, ce n'est pas le bateau de Flint ?» me demanda-t-il. J'eus une heureuse inspiration. Je pressentis que j'avais trouvé un allié. Et je lui répondis aussitôt, « Ce n'est pas le bateau de Flint, et Flint est mort. Mais pour vous dire la vérité, puisque vous me la demandez, il y a des hommes de Flint à bord, pour notre malheur. » « Pas un homme avec une seule jambe ?» bégaya-t-il. « Silver ?» demandai-je. « Ah, Silver, c'était son nom. C'est le coq et le chef de bande. » Il n'avait pas lâché mon poignet, et à ces mots, il me le tordit presque. « Si c'est Long John qui t'a envoyé, je suis fait, je le sais. » Vous m'avez dit que ce que vous aimiez aussi dans l'île au trésor, mis à part ce monde, ce petit garçon qui rêve, c'est la relation qui existe entre Long John Silver et Jim. Ah oui, alors ça, probablement parce que j'ai, sur le plan maternel et paternel, les Arméniens sont très tribaux. Nous avons été élevés en tribu et je les ai perdus très vite. Alors, ça m'a toujours manqué d'avoir quelqu'un à côté de moi qui soit quelqu'un de fort, de chaleureux, de protecteur. Et dans l'île au trésor, pour moi, Long John Silver, mis à part son côté effectivement intéressé, puisque c'est un pirate et que il veut le trésor, il a avec Jim une relation de père à fils que j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que Jim a cru longtemps en John Long Silver et que même à la fin, il le dit, bien qu'il sache qu'il est intéressé, il dit qu'il ne peut pas lui en vouloir parce qu'il lui a apporté une affection qui lui a beaucoup servi. Il n'a pas de père, Jim. Et c'est le côté qui m'a beaucoup frappé parce que c'est vrai que moi, j'ai été longtemps à la recherche d'une paternité. Et si vous me posez la question, quel est le livre qui vous plaît le plus maintenant? C'est Zorba le Grec. Parce que l'amitié entre l'écrivain et Zorba, c'est... c'est grandiose, puisque ça se termine par « Maintenant, tu as le grain de folie que tu n'avais pas et j'ai la sagesse que toi, tu avais et que je n'ai pas. » Voilà, c'est un peu... en gros, c'est à peu près ça. Et Ben Gunn, puisque vous avez choisi de lire ce passage sur Ben Gunn? Alors, Ben Gunn, d'abord parce que c'était mon ami du philo qui jouait Ben Gunn et qu'il le jouait d'une façon remarquable. Tous les passages de « J'ai pas mangé de fromage », il ajoutait « Un tout petit morceau de Chester, si je pouvais avoir un petit morceau de Chester !» Il était prodigieux et pour moi, Ben Gunn, c'est resté l'image de du philo. Ben Gunn, c'est un grand point d'interrogation parce qu'il est quand même resté 3 ans sur cette île et il a été marronné, comme il dit. Il s'est retrouvé là, il a mangé quand même, il a vécu quand même, il s'est habillé quand même, de briquet de broc, mais il s'est quand même habillé. Et quand il voit Jim pour la première fois, et il y a l'étonnement de voir un être humain, parce qu'il est resté 3 ans. Et souvent, je me pose la question, qu'est-ce que ça donnerait si on était 3 ans sur une île déserte sans voir personne? Voilà, c'est pour ça que Ben Gunn me touche beaucoup, moi. Je décidai sur le champ de lui raconter toute l'histoire de notre voyage et de lui exposer l'impasse dans laquelle nous nous trouvions. Il m'écouta avec le plus vif intérêt. Et quand j'eus fini... il me tapota sur la tête. « Tu es un bon garçon, Jim, dit-il. Et vous êtes tous dans une mauvaise passe, hein? Faites confiance à Ben Gunn. Ben Gunn est l'homme qui vous tirera d'affaire. Mais crois-tu maintenant que ton chevalier se montrerait généreux si je vous aidais, puisqu'il est dans une passe difficile? » Je lui dis que le chevalier était le plus libéral des hommes. « Oui, mais vois-tu, répondit Ben Gunn, je ne veux pas d'une porte à garder ni d'une livrée de valet. Ce n'est pas ce que je veux, Jim. Ce que je veux savoir, c'est s'il est capable de me laisser, disons, 1 000 000 de livres qui, pour ainsi dire, sont déjà ma propriété. » J'en suis certain, dis-je. Il était convenu que tous les matelots auraient leur part. Et j'aurai une place à bord pour le retour, ajouta-t-il, avec un regard soupçonneux. « Le chevalier est un gentilhomme, m'écriai-je. De plus, si nous réussissons à nous débarrasser des autres, nous manquerons d'hommes pour aider à la manœuvre du bâtiment. »« Ah, dit-il, c'est vrai, je ne serai pas de trop. » Et il parut très rassuré. « Maintenant, je vais te dire, continua-t-il, ce que j'ai à te dire et rien de plus. » J'étais de l'équipage de Flint quand il a enterré son trésor, lui avec les 6 autres, 6 solides marins. Ils sont restés à terre près d'une semaine et nous attendions à bord du vieux Valrus. Un beau jour, on entendit le signal convenu et Flint apparut seul dans son canot et la tête bandée dans un foulard bleu. Le soleil se levait, il était à l'avant de sa yole et son visage était d'une pâleur mortelle. Mais il était là, et les 6 autres étaient morts, morts et enterrés. Comment il avait pu faire ça, pas un homme à bord ne put le deviner. En tout cas, il y avait eu bataille, meurtre et mort subite. Seul contre 6. Billy Bones était le second. Long John était le quartier maître. Et ils lui demandèrent où était le trésor. « Ah, dit-il, vous pouvez aller à terre si ça vous chante et y rester. Pour ce qui est du navire, tonnerre, il va repartir en chasse. » C'est ce qu'il a dit. 3 ans après, j'étais sur un autre navire quand nous passâmes en vue de cette île. « Camarade, dis-je, le trésor de Flint est là. Débarquons et cherchons-le. » Le capitaine n'était pas content. Mais tous mes compagnons voulurent descendre à terre. Pendant 12 jours, nous avons cherché, et chaque jour, il m'accablait un peu plus de sarcasme. Enfin, un beau matin, ils remontèrent tous à bord. « Quant à toi, Benjamin Gunn, qu'ils me dirent, voilà un mousquet, une bêche et une pioche, qu'ils dirent. Tu peux rester là et trouver le trésor de Flint, qu'ils dirent. » Eh bien, Jim, je suis resté là 3 ans et je n'ai pas eu pendant tout ce temps une bouchée de nourriture chrétienne. Mais maintenant regarde-moi bien. Ai-je l'air d'un pauvre marin devant le mât? Non, n'est-ce pas? Et je ne le suis pas non plus, je te le dis. » Et il cligna de l'œil et me pinça vigoureusement. « Dis bien cela à ton chevalier, poursuivit-il. Ben Gunn n'est pas un pauvre marin. » Voilà les mots que tu vas lui dire. Pendant 3 ans, il a été l'homme de l'île, par beau et par mauvais temps, et parfois, il pensait à faire sa prière, que tu diras. Et parfois, il pensait à sa pauvre mère, puisse-t-elle être en vie. Mais Ben Gunn passait le plus gros de son temps, c'est ce que tu diras, le plus gros de son temps, à un travail d'une autre nature. Et alors tu lui feras un pinçon, comme ça. Et il me pinça de nouveau de l'air le plus confidentiel. « Alors, poursuivit-il, tu te redresseras et tu diras « Gunn est un brave homme, que tu diras ?» Et il a rudement plus confiance, souviens-toi de ça, dans un gentilhomme de naissance que dans ces gentils hommes de fortune qu'il connaît par expérience. Eh bien, dis-je, je n'ai pas compris un mot de tout ce que vous venez de me dire. Mais cela n'a pas d'importance, puisque je ne sais comment aller à bord. « Ah, dit-il, c'est bien le plus difficile, c'est sûr. J'ai une barque que j'ai fabriquée de mes 2 mains. Elle est sous la roche blanche. Si le pire arrive, ben nous pourrons nous en servir à la nuit. Hé, qu'est-ce que c'est que ça ?» En effet, bien que le soleil fût encore à 1 ou 2 heures de son déclin final, le tonnerre d'un coup de canon venait d'ébranler l'île. « La bataille est commencée, m'écriai-je. Suivez-moi. » Et je me mis à courir vers le mouillage, oubliant toutes mes terreurs. Cependant, l'homme de l'île, vêtu de peau de chèvre, courait à mes côtés d'un pas léger. « à gauche, dit-il. Reste à gauche, Jim, sous les arbres. C'est là que j'ai tué ma première chèvre. Elles ne viennent plus par là à présent. » Elle reste sur les hauteurs par crainte de Benjamin Gunn. Ah, voilà le cimetière. Il voulait dire le cimetière. Tu vois les tertres? C'est là que je venais de temps à autre, quand je pensais que peut-être c'était dimanche. Oh, c'est pas une chapelle, mais ça a l'air plus sérieux qu'ailleurs. Ben Gunn n'était pas très bien servi. Pas de curé, pas même une Bible. Il parlait tout en courant sans attendre de réponse. Le coup de canon fut suivi, après un intervalle assez long, d'une décharge de mousqueterie. Il y eut un temps d'arrêt. À moins d'un quart de mille devant nous, je vis l'Union Jack se déployer en l'air au-dessus d'un bois. L'île au trésor de Robert Louis Stevenson par Henri Janik. Pierre Mine, Annick Brien, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.